Attention, présentez l'émission Errance Reynaldienne. Première cuvée de la brochette, première brochette de la cuvée, premiers invités de ma brochette 2019-2020. Ouais! Ouais! On l'applaudit! Allez, ouais! Le comédien! Ouais! Le Jacqueline! Le Jean qui pleure! Attention! Ce premier invité, nous sommes heureux de nous introduire ainsi. Hein, ça fait bizarre. Tu dis introduire ainsi. Ben oui, mais comment tu veux exploiter l'idée ou amener l'image qu'on présente ce soir, cette nuit, à cet instant même. Des invités qui ont collaboré étroitement à ma déficience langagière, ma déficience au niveau du langage, ma déficience au niveau de la compréhension de l'existence et surtout mes questions aussi insolites que vides de sens. Alors, je remercie mes invités. 54 invités en 8 jours! C'était un marathon! Et comme tout bon marathon, il faut l'hymne national. Alors, voici cette chanson errante! Aujourd'hui, le lundi 9 septembre 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Reynaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! J'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Poels, me vint une vision dans l'eau de Seine. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque loi. Comme un calice à sa beauté, elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Mmh.

vous savez que... Merci. Merci. Merci pour les artistes. Que normalement, je nomme jamais le chanteur. Ben, vous savez que c'est « Aux âmes, etc. » de Gainsbourg, chanté par Rachid Taha. Et quand il dit, plus tard, là, dans la chanson, il dit « Vas-y, Hakim, vas-y! » C'est son musicien que j'ai rencontré cette année et que vous entendrez sur CKRL, le 89.1 à Québec. J'ai eu la chance de rencontrer des artistes bouleversants, intéressants, touchants, exceptionnels. Voilà. Pour maintenant. Gaétan, on peut-tu fermer la parenthèse, s'il te plaît? Il y a comme des courants de mots. Puis moi, je mets pas de point final. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Moi, je préfère les trois points de suspension parce que ça donne encore l'élan. L'élan. Non, non, ça n'a rien à voir avec la bibitte à quatre pattes. Ça a l'élan, l'élan d'Amérique. C'est l'élan de l'improvisation. Si tu places ton point final ou ton point, on dirait que ça bloque. Au même titre que quand tu dis « changer de paragraphe ». Faut jamais changer de paragraphe. C'est comme si tu te donnais toi-même la mort. Aïe, aïe. Ben oui, parce que tu crées ton texte, et là, tu changes de paragraphe, donc tu changes d'idée. C'est peut-être la même histoire, c'est peut-être la même structure, mais tu reprends, ou tu continues le récit. Mais quand tu mets trois points de suspension, il n'y a rien qui te dit que c'est terminé. Ça peut l'être. On peut reprendre ça dans deux semaines, comme dans un mois. On peut aussi ne plus jamais le reprendre. Même l'auteur ne le sait pas. C'est ça la magie de l'improvisation. Quand je suis allé voir Diana Krall, Diana, rien à moi, Krall, ouais. Non, moi c'est, moi, c'est le papillon, moi. Parce qu'il faut que je sorte la tête hors de l'eau. Quand tu crawles, c'est la tête dans l'eau, ça, hein? Tu prends ta respiration, puis tu y vas c'est un peu comme la torpille. Pas ça à taper, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça à taper parce que faut que ma bouche sorte de l'eau pour lâcher un cri. J'ai besoin de m'exprimer à l'extérieur de l'eau au même titre qu'à l'intérieur de l'eau. Fait que moi, le crawl, pas ben ben. Ah oui, le crawl, c'est quand ta tête. Ah oui, tu vires ta tête de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche. C'est mêlant, t'as mal à la tête, tu te prends pour une toupie. Mais Diana Krall, rien à voir avec la nage crawlée. Crawley serré, allez-vous faire une chicane. C'était extraordinaire. Diana Krall à l'Olympia, 2h15. Puis ce qui est intéressant dans le jazz, comme un peu à errance rénaldienne, c'est le fait qu'on peut partir sur une improvisation. Elle avait des musiciens de haute pointure. Quand je te dis de haute pointure, là, il y avait tellement de complicité que même le public faisait partie de l'improvisation. Puis surtout quand t'as parlé en anglais. Les Français riaient. Moi, je disais, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Fait que, mais ça, je dis tout le temps ça dans ma tête. Moi, quand je vais voir un show anglophone, comme je suis unilingue francophone, j'emmerde personne avec mon handicap. Je fonce, je continue quand même. C'est certain que je vais là pour la musique. Je vais là pour rencontrer l'artiste dans son univers. C'est pour ça que Gérard Mancel ne veut jamais faire de spectacle, parce qu'il trouve que c'est... Je le sais, je l'ai déjà balancé, mais lui a comme principe qu'un spectacle, c'est un peu comme si des personnes allaient voir des bêtes dans un jardin zoologique. C'est son opinion. Et quand tu as vu Alain Bachung, il a changé. Il s'est dit, ah non, c'est de là le génie. C'est là que ça part, le génie scénique. Puis là, il a bien voulu, mais il y avait déjà 60 ballets, puis le public ne l'avait jamais vu sur scène. Il n'y avait aucun intérêt d'aller voir Gérard Mancel, puis je pense qu'il n'a jamais voulu non plus prendre ce tremplin-là pour se lancer lui-même. Il n'est pas à l'aise sur scène. Facile à dire, on ne l'a jamais vu. Mais s'il veut pas, il y a une raison. Mais au moins, depuis quelques années, il y a trois photos qui circulent. Avant ça, il y en avait juste deux. Il y a l'auteur québécois, La Vallée des Avalées, qui... La Vallée des Avalées. Duchamp, Ducamp, Ducamp, fait Duchamp, quitte le champ, mette le champ. Le champ... OK, tu peux y aller, le champ est libre. C'est Gaétan Lechant, le chanteureux. C'est la balade des chanteurs. Non, comment qu'il s'appelle? Non, je suis pas loin, hein? Là, j'ai comme un vide intellectuel, ça m'arrive. C'est pour ça que ça fait des bonnes émissions. Gaétan de Charme. Bon, Gaétan de Charme. Merci, madame. Bon, ça, c'est ma petite recrue. Qui l'eût cru? Je l'ai trouvé à la bibliothèque de l'Université Laval. Je vais vous expliquer un peu le concept. C'était l'hiver. J'avais, parce que deux, trois fois par année, je prépare, je me fais des projections cinématographiques, bien sûr, et j'invite des gens, et ces gens-là, ben, je les oblige presque à amener des invités, une personne. C'est comme ça qu'on se tisse de tu sais, un réseau. C'est le fun. Se tisser un réseau, plus je vieillis, plus je veux me tisser un réseau. Puis là, ben, j'avais dit à Chloé, je dis, écoute, on va projeter trois films. Un film, Les Mistons de Truffaut, que tout le monde connaît, ou presque. Mais après ça, des films un peu plus underground, mexicains, mais pas de sous-titres. Ça s'appelait Almentos Desmontes. Très intéressant dans son style. Donc, nous étions quatre, avec les invités 8, plus moi 9. Moi, j'invite personne, moi. Moi, je suis comme celui qui se retire puis qui regarde tout le monde, là. J'invite personne. Mais là, Chloé amène cette jeune fille. Elle s'appelle Mélania. C'est beau, Mélania. Alors, Mélania est étudiante à l'Université Laval. Elle vient de Belgique. Elle est née... Attendez un peu. C'est un peu mêlant, son truc, là. Elle est nationalité belge et française. Son père est français, sa mère est belge. Elle a les deux titres. Elle vient au Québec pour étudier en littérature québécoise. Intéressant, là. Intéressant. C'est pour ça, La Vallée des Avalées. Pour ça, là, Régent de Charme. Pour ça, je la remercie. Elle a étudié en littérature. Elle étudie encore en littérature québécoise. Mais moi, après l'avoir connue, grâce à Chloé que j'embrasse partout, je l'ai invitée par la suite à la maison pour écouter des albums québécois, actuels ou même anciens. Ben oui. Et donc, on s'est quand même lié d'amitié. Et depuis ce temps-là, elle travaille à mon émission irrationalienne. Elle est souffleuse. Là, non, l'hiver, là, elle te fait un beau parterre, là. Il n'y a plus une graine de neige. Non, elle n'est pas souffleuse dans ce sens-là. C'est un peu comme au théâtre d'anciennement. Avant qu'il y ait des ordinateurs, là, tu sais, pour lire les textes. Mais c'est elle qui me dit, parce qu'elle n'a pas besoin de... On appelle ça en France un prompteur. Pas besoin de prompteur. Elle, c'est dans sa tête. Elle connaît tout. Fait qu'elle me dit, c'est pas ça. Elle n'a pas une voix comme ça. Elle a une voix tellement douce, on dirait le rossignol. Et lorsqu'elle s'envole, oh ciel, une larme apparaît sur ma joue. Mais pour apparaître sur ta joue, il faut déjà qu'elle soit à côté de l'œil, puis après, elle glisse sur ta joue. Oui, exactement. Alors, quand elle glisse, c'est comme en hiver, quand tu vas dans le Vieux-Québec, à côté de Château-Frontenac, il y a une grande glissade, hein? C'est-à-dire que quand tu mets ton Crazy Carpet, connaissais le Crazy Carpet, toi? Ouais, faut dire que... Non, on va dire les choses comme ils sont. Au mois de septembre, le Crazy Carpet, c'est pas vraiment l'accessoire qu'on utilise le plus. Sauf pour moi. Moi, c'est à l'année longue. À longueur d'année, le Crazy Carpet fait partie de ma vie. De un, quand je m'installe par terre, je mets pas un tapis, moi. Je mets un Crazy Carpet. Pourquoi le Crazy Carpet? Parce que ça garde ton frais. T'as comme les cuisses parce que je suis toujours en souvette. Je suis presque tout le temps en souvette. Ben, c'est mon choix. J'étais à l'intérieur, chez moi. Moi, j'ai payé mes taxes. C'est un Québécois moyen. J'ai pas fraudé, puis je fais pas d'exhibitionnisme. Quoique je ferme jamais mes fenêtres, jamais mes rideaux, on entend crier, chanter, pleurer. On entend même des cris bizarres. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait peur! Désolé, bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en shampoo melon. Ça, c'est le bout le plus intéressant. Prends garde à te garder, bergère, un jour tu vas bêler. Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Mais. Savez-vous, j'ai rencontré le sosie. Il n'y a rien à voir avec Sosie Osborne, le sosie de Jacques Brel. Vous allez le voir à radio, vous allez le voir. Restez assez cohérent, vous allez voir le duplicata de Jacques Brel. Quand je te dis duplicata, là, tu sais même pas s'il est mort. Je pensais te parler avec cet homme-là, Jacques Brel à 40 ans. J'étais devant le chanteur belge de 40 ans. C'est fou, la vie. C'est fou. En tout cas, il s'appelle Arnaud. Mon ami Arnaud. On est amis là, depuis peu, là. Mais on est des amis, là, j'espère, pour la vie. Et un homme étonnant, incroyable. Ça fait partie des êtres que j'ai rencontrés et qui me donnent le goût de les revoir pour poursuivre cette rencontre. J'en ai plein comme ça. J'en ai plein. Là, on peut danser, là. Pour souligner mes invités 2019-2020. Avec. C'est un Rubens, c'est une hippopotame. Avec un nez comme l'on marche mal au. Et si j'en pince pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai les prix de gros. Ah, quel suspense sur mon hippopotame. Avec un nez comme dans Fasimolo, les ressorts grincent sous l'hippopotame. Mais au-dessus je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire cette hippopotame. Avec un nez comme l'angicolo, quand elle me coince mon hippopotame entre ses deux groseilles à macro. Puis elle se rince vite fait l'hippopotame. Avec un nez comme dans le lavabo, elle redevient princesse hippopotame et me refile mon petit cadeau. Oh, Mercedes. Line. En. Ford Mustang. Et. Bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet. Cool un badge. Avec inscrit dessus. Keep cool. Une barre de chocolat. Un Coca-Cola. On se fait des lines en Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Mus. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Une bouteille de fluid make-up. Un flash. Un browning. Et un pick-up. Un recueil. Dead capo. Un briquet. Zippo. On se fait des langues en Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Mus. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Un numéro de Superman. Un écrou de chez Paco Rabanne. Une photo Marilyn. Un tube d'aspirine. On se fait des langues en Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platanes. Mus. À gauche. Tang. À droite. Ça fait. On est revenu là-dessus avec mon ami Gaétan. On s'est dit, pourquoi continuer à chercher l'impossible quand le possible est à côté de nous, en avant de nous, près de nous, sur nous, entre nous. Pourquoi? On est de même. Hein? On se dit, c'est trop facile. Hey, faut chercher. Ça peut pas être aussi limpide que de l'eau de Rush. Quoique Rush avait un méchant l'équipement, là, la batterie. L'avais-tu la batterie de celui de Rush, là? La batteur de Rush? Ça faisait 360 degrés, lui. Il finissait plus. Il tournait sur lui-même, là. Ça. Puis en plus, à la fin de son spectacle, comme c'était des chaises qui montaient en tournant, tu sais, un peu comme chez le barbier, là. Le barbier, lui, fait ça à pédale, hein. Il presse sur une pédale, puis il te fait monter. Mais il y en a aussi des bancs, quand tu tournes le banc dans les petits casse-croûtes, bien, le banc monte. Le sien aussi montait. Il touchait presque pas aux pédales. À la fin, il évitait, puis c'était juste ses baguettes qui faisaient le chouet. Tout ça, c'était merveilleux. La belle époque de Rush. En parlant de Rush, j'ai connu quelqu'un qui se disait... Non, il se disait même pas... Non, il se posait pas de questions. J'ai rencontré quelqu'un qui a déjà connu Johnny Farrago. Bon, pour les gens qui ne savent pas qui est Johnny Farrago, c'est un chanteur, interprète, québécois, qui, dans les années 60-70, chantait des reprises des chansons états-uniennes. Et par la suite, ben, il s'est mis à imiter Elvis Presley et sa carrière a un peu joué là-dedans pendant jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, son fils a repris le flambeau, fait des compositions, lui. Il fait ses propres compositions, tourne beaucoup en Floride. Il est connu là-bas, très aimé. Et pourquoi je voulais parler de Johnny? Ah oui, parce que le gars en question... Mais parce que moi, je travaillais de nuit, hein. Fait que tous les désaxés venaient me voir. Bon, là, vous dites, il allait voir, il allait voir son, il allait voir le son semblable. Ben oui, c'est moi le semblable. Ça fait qu'il était là, il rentre, et puis il me dit, Johnny Farrago. Je dis, oui, Johnny Farrago. Tu connais-tu? Ben, je connais Johnny Farrago, et pas de problème, moi, là. Il dit, moi, là, quand Johnny Farrago est mort, parce que je joue de la batterie, ben, l'âme de Johnny, je vous le jure que c'est vrai, je vous le jure sur la tête de n'importe qui, d'Alice Robbie, tiens, que j'adore, que j'embrasse partout. Il me dit, quand je suis rentré chez moi, j'habite dans un appartement, mais j'ai ma batterie qui est là. Ma batterie jouait tout seul. C'était l'âme de Johnny Farrago qui jouait. Sa femme, elle me regarde, elle dit, c'est vrai, on est rentré dans la maîtrise de mon sol. OK. Là, mon amoureux m'a dit, ben, c'est Johnny Farrago. Comment ça, c'est pourquoi Johnny Farrago? Ben, c'était l'homme de Johnny Farrago. OK, ce qui jouait à la batterie, hein, par des un fantôme, là, est-ce que c'est une chanson de Johnny Farrago? Le gars, il dit, non. Mais je dis, pourquoi tu dis que c'est l'âme de Johnny Farrago? Parce que moi, j'ai toujours aimé Johnny. OK. Puis quand Johnny est mort, moi, ça m'a affecté. Tu sais, ça m'a affecté. Je mangeais plus. Puis j'avais arrêté de manger. Puis je voulais plus manger. Puis j'ai dit, m'a suivre le chemin de Johnny. Moi aussi, je vais m'auto-éliminer. Il est même pas éliminé. Il est mort. Ben oui, mais là, pas de même. Alors, mais quand je suis revenu à la maison, j'étais tout ébranlé. Bon. J'avais un oiseau. Un oiseau. Hey, mais mon oiseau, il est parti. Hein? Comment ça qu'il est parti? Ma femme, elle a gagné de moi, là, ouvert la cage. Aller vers la cage. Oh. Puis l'oiseau est parti. Oh. Mais moi, je me suis dit, il est parti rencontrer Johnny. Johnny, tu sais, parce que là, il y a plusieurs Johnny. Hein. Mais Johnny Farrago, OK. Puis quand il est revenu, parce qu'il est rentré dans sa cage, il est revenu. Deux jours plus tard, puis ma batterie jouait tout seul. Moi, j'ai dit qu'il est parti chercher l'âme de Johnny Farrago, puis il l'a ramené ici, mais c'est pour ça que la batterie joue tout seul. Hey, monsieur. Je tiens à vous dire qu'à cette époque-là, tu pouvais pas fumer du Justin Trudeau, là. Peut-être dans le circuit un peu fermé, mais c'était pas du Justin, là. C'était un groupe de motards, tu sais. Je peux pas trop en nommer, là, parce que... ma vie est peut-être en danger, tu sais. Moi, ma vie est en danger depuis ma naissance. Mais dès que je suis venu... quand j'ai sorti du... tu sais, de la... ouais... de l'orifice, de l'orifice, merci. T'es formidable. On voit qu'elle est franco-belge, là. Si, elle me souffle des affaires, elle me fait des clins d'œil. Elle est belle. Non, je suis pas en amour. Mais non. Moi, je suis pas en amour de même, là. Oui, assez facilement, c'est vrai. Assez facile, oui, mais moi j'ai... mon cœur est un oiseau, hein. Mon cœur est un oiseau, il suffit de monter là-haut, sur la branche de l'amour. Et regardez les ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle en avait de l'amour, pauvre Melody Nelson. Ouais, mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, belle garçonne. Et si délicieuse enfant que je n'ai conne, n'eut qu'un instant. Amour transitoire, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Et quand je joue sur le bouton là, qu'est-ce que ça fait, madame? Ça fait mal aux oreilles? Saignez-vous des oreilles? Non? OK, tant mieux. Parce qu'il faut pas, là. Mon premier invité aujourd'hui, je lui laisse la place parce qu'il ne fait qu'une émission. Dû au fait que la rencontre fut brève, mais tellement intelligente, brillante, remplie à souhait d'informations, que je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, le lundi 9 septembre 2019, voyez-vous, 9-9, là, la numérologie. Raymond est très forte sur la numérologie. Hein, là. Elle m'a dit, quand tu vas faire ton émission du 9-2019, dis-le pas à tout le monde, hein, mais ça sera ta meilleure de l'année. Là, j'ai dit, arrête, tu me fais peur pour les autres, là? Non, les autres, écoute, ce ne sera qu'une copie mineure de ce que tu viens de faire là. Je dis, hey, voyons donc, oui. Ça veut dire que je plafonnais. T'es plafonné. Ça fait longtemps qu'on le sait, là. Dans ces KRL, tout le monde est au courant que t'es plafonné, là. Écoute bien, là. Les auditeurs le savent, t'es plafonné. T'es un gars qui peut pas aller plus haut que ça, là. T'sais, t'es limité dans ta... dans ton infini. J'ai dit, hein? Comment je peux être limité dans l'infini? Ah, c'est juste toi qui es limité. L'infini ne l'est pas, mais toi, yes. OK. Sinon, ah ben sinon, écoute, tu peux l'annoncer ton invité, puis... Je peux? Ah, tu peux. C'est la meilleure émission? Meilleure émission. Meilleure rencontre? Ah, une rencontre exceptionnelle. Oh, comment tu dis ça? Exceptionnelle. Ah, ben là, si c'est, comme tu dis, exceptionnel. Non, exceptionnel. Ouais, mais c'est qu'on dit exceptionnel. Non. Ce soir, en ce 9 septembre, c'est exceptionnel. OK, écoute, il faut pas non plus les déranger. Ce monde-là sont déjà assez... Tu parles de moi? un tantinet. OK. Alors, je te laisse avec ton invité qui est extraordinaire. Moi, je l'ai connu en 1996, moi. OK, mais là, c'est à moi de faire l'introduction. OK. Mais j'aimerais que tu lui dises que j'adore son travail depuis le début. C'est un gars qui m'a éclairé, là. C'est parce qu'il a inventé un son qui n'existait pas dans la francophonie. C'est pas compliqué, lui, là. Il a pas cherché de midi à 14h, là. Il l'avait devant lui. C'est un génie. C'est un génie qui s'est démarqué dès le début jusqu'à maintenant. Hey, c'est beau. Merci pour lui. Non, mais moi, écoute, ça vient de l'intérieur, moi, là. Moi, j'ai des connaissances en musicologie. J'ai fait mes études avec la chanteuse française, là. Oh, Émilie Simon, je la connais. C'est moi qui l'ai aidé à faire ses instruments de musique. Parce qu'elle a inventé des instruments de musique, comme Edith Butler. OK. Et puis, c'est quoi le lien? Ben, on a été à la même université à Paris 14. Paris 14? Paris 17. Paris 19. Touchez pas vos cartes, bingo! Aujourd'hui, le lundi 9 septembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ah, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète Camille Bazbaz. Et c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai connu en 96 avec son album Dubadalik, et puis jusqu'à Manu Militari. Donc, un être qui était de passage, puisque nous avions pris... On avait signé une rencontre, OK? Ben, signé, c'est de manière tacite, là, sur Internet. J'aimerais te rencontrer le... Il me dit OK. Puis la veille, ben là, je lui disais, hey, oublie pas, c'est demain. Oh, j'ai la garde. OK, t'as la garde et je ne peux pas. Oh, mais je vais essayer. Bon. Donc, il est passé... Il était disponible, mais d'une manière très concise. J'ai pris ce qu'il avait à prendre. C'était merveilleux. C'est un être ouvert, pas opaque, vraiment... un troubadour de la chanson, comme je le dis dans cette rencontre. Alors, je m'arrête ici pour lui laisser la place. Et tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant, c'est 100% Camille Bazbaz. Merci l'artiste. Et comment? Merci l'artiste. C'est pas ça que tu as dit? Oui, je sais. J'ai eu comme une fourchette dans le milieu du cabochon. Quand j'ai la fourchette en milieu du cabochon, ça fait que des fois, c'est le support qui glisse. Puis ça veut pas dire ce que ça veut dire, mais dans le même courant, ça veut dire ça. Ouais, il me semble que je suis pas rendu là dans mon évolution. Ah, mais mais écoute, c'est petit à petit, l'oiseau fait son grenier, petit à petit, vas-y, tu vas gagner. J'ai jamais entendu ça, moi. Ah non, mais écoute, c'est pas parce que tu connais pas ça que t'es pas intelligent, là. Faut juste que tu veuilles bien rentrer dans mon univers pour comprendre bien des affaires qui n'existent pas. Puis là, je suis en train de prendre du temps sur un ami que j'adore. Donc, allons avec mon ami Camille Baz-Baz. Vas-y, l'artiste. J'aurais vu y'a personne, pourtant j'aurais juré qu'avant la fin de l'automne, nous serions deux à dîner. Mais j'aurais vu y'a personne, pourtant j'aurais juré qu'avant la fin de l'hiver, y'aurait deux fauteuils au coin du feu. Une chose est sûre, y'a plus de saison. Plus d'amour dans la maison. Mais je rêve où y'a personne. Pourtant j'aurais juré qu'avant la fin du printemps, j'entendrais chanter dans la maison. Mais je rêve où y'a personne. Pourtant j'aurais juré qu'avant la fin de l'été, tu serais rentré pour de bon. Une chose est sûre, y a plus de saison et plus d'amour dans la maison. Une chose est sûre, y a plus de saison et plus d'amour dans la maison. Rénal, pardon. Comment ça va, Camille? Ça va, toi? Excellent. Bon. Excuse-moi, je suis un petit peu en retard. Ah, il n'y a pas de problème. Au moins, tu es présent et c'est ce qu'il faut. Alors, ça va bien? Ça va, toi? Très bien, très bien. T'es venu avec ta moumoute? C'est beau, hein? C'est quoi? Ben, c'est en fait, c'est pour protéger le micro. Du vent. Ouais, ouais, oui, c'est les deux micros, donc c'est déjà parti. Sinon, je suis très heureux de te rencontrer. Bon, moi aussi, je trouve ça assez gentil, ton... Cette envie de nous rencontrer. Ben pourquoi pas? Bon. Pourquoi pas faire connaître? Alors t'es à l'Orangina? Ben oui, ben oui, c'est rafraîchissant, c'est l'été. Entre c'est... le Sancerre et le Chinon, finalement t'as choisi l'Orangina. Ben c'est parce que vu mon état de fatigue assez élevé, si je prends une bière, ça risque de me tomber dans les jambes et je suis ici pour quand même rencontrer les artistes. Oui, hein. Surtout qu'en plus j'ai pas 1000 ans à t'accorder. Donc, Je veux pas faire mon Gainsbourg, donc j'ai dit restons sages. Quoi qu'il en ait marre du gorgeon à chaque fois. Ah écoute, il en est marre de sa vie. Il en est marre de sa vie. Oui. Hey, mais Camille, je suis très content de te rencontrer puisque tu roules vraiment depuis une bonne vingtaine d'années ta carrière. Ouais. Tu viens de sortir un tout nouvel album, un dernier opus exceptionnel. Ouais, merci. Non, mais je me dis à chaque fois que j'écoute un artiste quand même qui en a vu et qui en a écrit des chansons, ouais, comment va-t-il faire? Neuvième album. Comment va-t-il faire pour se renouveler et mission accomplie? Merci, merci. C'est la question que je me suis posée aussi. Bon, en même temps, tu te poses pas les choses comme... T'enregistres là ou pas? Tu te poses pas les questions comme ça. Tu le fais, quoi. C'est une pulsion. Tu te dis pas, je vais faire différent, je vais faire différent, je vais faire différent. T'essayes d'évoluer un peu. Ouais. Disons que là, j'ai assumé mon amour du reggae beaucoup, quoi, sur celui-là, je trouve, plus que sur d'autres où je le déguisais, derrière la soul ou je sais pas quoi. effectivement. Et celui-là, il y a des reggae pop un peu comme ça, déclaré. Et je suis en tournée avec, je suis content. Puis en même temps, c'est une continuation, c'est pas un album qui sort du lot de tes autres albums. Hein. Ouais, ouais. On sent beaucoup plus le côté reggae. Côté soleil, côté festif, mais aussi il y a des chansons très, très introspectives. Ouais, comme souvent. J'avais envie de faire un album un peu léger quelque part, enfin en tout cas qui ressemble à quelque chose de léger. Je voulais pas faire quelque chose de sombre. Mais c'est sorti au mois d'avril, si je me trompe pas. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Avril-mai. Sorti avril-mai. J'ai commencé une tournée. Là, il y a un petit break d'été, mais on a un gros bout qui continue l'année prochaine, à partir de l'automne. Et on est en trio. Je suis sur scène avec le mec avec qui je l'ai composé, cet album, ouais. Qui s'appelle Feed. Où tu l'as rencontré, ce Feed? De fil en aiguille? Ouais, comment je l'ai rencontré, ce Feed? Par un copain d'un copain. Par un copain qui a aussi beaucoup écrit les textes avec moi sur cet album, qui s'appelle Chet. Avec qui j'avais déjà écrit quelques chansons au fur et à mesure de mes disques, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à trois, en fait, sur ce disque. Et c'est Chet qui m'a présenté Feed. Okay. On me disait, tiens, j'ai rencontré un mec bien cool, qui t'adore. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous demander un demi, s'il vous plaît? En 25 ou la 4? En 25. La grande à la 5. Ouais, c'est gentil, mais je vais y aller moi. Merci. On l'a écrit à trois, cet album. Donc Chet, il m'a présenté ce musicien de Saint-Étienne qui s'appelle Feed, qui aimait beaucoup mes chansons des albums d'avant, et on a commencé à bosser par internet, hein, presque, tu vois. Parce qu'il habitait Saint-Étienne, moi des fois ici, moi des fois ailleurs, bref. Donc on a communiqué comme ça, et comme la musique, n'est-ce pas, c'est un langage aussi, on n'a pas besoin de passer un... Enfin bon, tu vois, on sentait bien qu'on allait bien s'entendre, et du coup on est parti en tournée ensemble, du coup voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré, grâce à Chet, ouais, voilà. Mais est-ce que tu voulais faire une continuité avec ton dernier album, ou si tu te détachais de... Non, en fait, celui-là, je l'ai quand même fait en même temps que je composais la musique d'un film qui s'appelle En Liberté. Ouais. J'étais en train de faire la musique de ce film. C'était beaucoup de boulot. Et en même temps, des idées de chansons me parvenaient comme ça. Donc, c'était une détente, en fait, de faire ce disque. Ma grosse concentration, c'est vrai, c'est con à dire, hein, mais... Ma grosse concentration, elle était sur cette musique de film, vu que je fais ça pas souvent et que... Tu l'as bien fait aussi. Ça s'est bien passé, on a eu vachement de succès, d'estime, ouais, ouais. Enfin ça s'est fait remarquer en tout cas. Et donc c'était pour moi un peu d'oxygène de faire mes love songs un peu comme ça, comme je sais faire, tu vois. Donc je me suis pas trop pris la tête sur celui-là, je t'avoue, je l'ai fait facilement. Contrairement aux autres qui ont demandé un peu plus d'efforts. Les autres, c'était plus difficile. Mais tu sais, je suis un mec libre, hein, avant tout. Et voilà. Je trouve que... Je ne sais pas ce que va être le prochain album. Ah ben là, il faut quand même laisser mûrir. Ça peut être n'importe quoi. Oui, oui. Mais depuis le nombre d'années que je te connais, je te considère comme un troubadour. Ouais, j'adore. J'adore. Si je me considère, je t'avouerais, moi aussi un petit peu comme ça. J'aime bien en tout cas cette image. Mais c'est la liberté aussi d'être troubadour, de se promener avec sa guitare, bon appétit. Avec deux autres mecs, et puis monter sur scène et délivrer ses chansons et voir les gens heureux, c'est quand même bien. C'est un beau métier. Mais grave, moi je suis très content de vivre de mon métier que j'aime tant. Même si l'industrie a changé, il reste que le public, lui, il reste le même, ou presque. Ouais, bah, le public, il y en a qui vieillissent avec moi, puis il y a leurs enfants qui finissent par venir. Ouais, c'est ça, la transmission. Et voilà, tu vois, c'est magique un peu la musique. Hein, c'est... Ah oui. C'est un peu magique. Très magique. À la vôtre, cher ami. Bah, écoute, à la chanson française. Allez, à la chanson française, ouais. Ouais. Et de chanter en français, c'est important pour moi. Ouais. Oui, effectivement, parce que tu restes quand même assez ancré aux mots et à la musicalité des mots. Ouais. Et ça n'a pas changé, ça, depuis les... Ça, je fais super gaffe à ça. Je suis pas un poète. fais des chansons, c'est pas pareil. Tu vois, après, on a tous nos avis. Hein. Et moi, j'aborde mon métier de chanteur en français. Mon rapport au texte, il est que c'est une chanson. Et que faut que ce soit avant tout musical, presque parfois avant d'être poétique. Je mets la musique avant la poésie, parce que je suis pas poète. J'aime beaucoup la poésie, la littérature, tu vois, mais... que je trouve qu'une grande poésie, à mon goût, elle a déjà sa musique dedans. Et je trouve ça très casse-gueule de rajouter une musique à la musique, tu vois, ça peut faire... ça peut faire comme un gâteau avec trop de crème, trop de trucs, trop de chantilly, trop de machin. Je me méfie vachement, donc je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Donc je suis pas un poète, je suis un chanteur, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait prendre le crayon pour cet album-là? Parce qu'on sent une certaine urgence quand on l'écoute... à plusieurs reprises, on sent l'urgence de le dire. C'est toujours les mêmes conneries, moi, dans ma vie. Hein. Moi, je suis un amoureux, des fois transi, des fois délaissé, comme tout le monde, hein, finalement, sauf que je joue le jeu à fond. Ouais. Et que... Donc, plus je vieillis, plus je suis persuadé que... que l'amour, c'est le nerf de la guerre, quoi, si tu veux, au sens petit, au sens large, tu peux le tirer dans tous les sens. On peut toujours me dire que c'est cucu, que c'est concon, qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, l'écologie, la politique, la guerre, les enfants abandonnés, bien sûr, et les chiens, il y a plein de choses dont je pourrais parler aussi qui me touche, tu vois. Plein de choses qui me touchent dans la vie, mais ce qui sort de mon corps, c'est mes chansons d'amour ou de pas d'amour, tu vois. Le reste, c'est pas que ça me touche pas, tu vois. Mais c'est surtout des questionnements sur l'amour. Je sais pas le chanter, le reste. C'est surtout des questionnements sur l'amour. Ouais. Si on écoute bien ton album, c'est beaucoup de questionnements. En tant qu'homme, à cet âge précis, est-ce que l'amour est resté la même? Est-ce que l'amour a changé? C'est ce qu'on peut tirer un peu quand on... Ouais, non, mais bien sûr, il n'y a rien ne change. Enfin, on recycle. Ça reste toujours ce truc incompréhensible. Mon rapport aux femmes a changé, mais pas mon rapport à l'amour. Mon rapport aux femmes, il s'est adouci. Mais mon rapport à l'amour, non. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Est aussi intense, est aussi fort. Comment? Je te veux, Manu Militari, t'attacher. Manu Militari, plus je veux Manu Militari, mes poignets Manu Militari, je te veux Manu Militari, t'attacher Manu Militari, plus je vis Manu Militari, oh, un baiser Manu Militari, oh, de suspendre, oh, de surprendre, oh, de pourfendre. Cigarette, Manu Militari. une militarie. Oh, te suspendre, oh, te surprendre, oh, te pourfendre. Je te veux, mané militari, t'attacher, mané militari. Bah ouais, ouais, bien sûr que c'est aussi fort, mais tu vois, le temps passe et on est une planète un peu larguée, quoi. On manque d'amour, mais c'est, l'amour, c'est pas que le sexe, c'est l'amour aussi de l'autre, la femme en l'occurrence, qui est notre différence magnifique, bah tu oui. vois. Pareil, pas pareil, mais enfin la même chose, mais non, mais ça... d'autres fonctionnements, d'autres manières. Le problème de l'humanité, il est la différence, tu vois. Et l'amour, c'est comment te dire, c'est le, c'est ça qui mesure. Tu vois, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est ça qui fait que ça doit nous attirer, et pas le contraire. Et, voilà. À chaque fois, c'est une histoire. À chaque fois, c'est une chanson, l'amour. Ah, mais à chaque fois. Et à chaque fois, tu n'as aucune technique, quoi. Non, il n'y a pas de code. Tu ne peux pas te protéger. Mais non, il n'y a pas de code. Et c'est comme ça. Parce que moi, je connais tes albums depuis le premier jusqu'à celui-là. Il y a une chanson, pardon, excuse-moi. Vas-y. Il y a une chanson qui me ressemble beaucoup, beaucoup sur l'album. C'est pas que les autres ne me ressemblent pas, mais une qui parle pas trop d'amour. Mais qui est la chanson, le titre, je sais plus, c'est j'ai tout fait trop vite, par peur d'étouffer, oui, oui, oui. J'ai tout pris tout de suite, par peur de manquer, des écarts de conduite, des abus, des excès, des courses-poursuites, par peur de trouver une seule église, nos limites, tu vois. Voilà, cette chanson, nos limites, bien qu'elle soit pas une love song, c'est aussi quelque chose qui me ressemble beaucoup. Et que je suis un troubadour et un peu un loubard. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'avoir une des vraies histoires d'amour, parce que mon amour, c'est la musique peut-être aussi. Tu n'es jamais là où on t'attend aussi. C'est ça qui est merveilleux. Ben oui, puis ce qui gère ma vie, en fait, c'est la musique. Oui. Et ça, c'est difficile dans un couple, tu vois, parce que t'es pas là. Mm-hmm. L'absence de là. Tu peux être là physiquement, mm-hmm. dans la même pièce. Ah oui, mais... C'est surtout ça le problème, c'est même pas d'être en tournée pendant 300 jours, non. surtout d'être là, mais pas là, en fait. Mm-hmm. Et ça, l'absence du créateur. Et ça, c'est chiant. Mais ouais, c'est un classique, hein. Ben oui, c'est comme ça, hein. Mais ça doit être chiant pour les autres. Ça doit être chiant pour les gens avec qui tu vis. J'ai fini par comprendre ça, tu vois, au bout de 35 ans. Mais la sagesse, la sagesse. La sagesse commence à... Mais ça veut pas dire que je le maîtrise. Pas trop à la sagesse. Ça veut pas dire que je le maîtrise. Non. Je le maîtrise pas, mais... Mais en sachant déjà, je comprends, c'est une clé. En sachant, c'est une clé. Voilà, dans ma prochaine vie, Si on écoute ton premier album jusqu'à aujourd'hui, comme tu disais, il y a vraiment ce fil de l'amour, mais pris à des angles différents. C'est ça qui est bien, et c'est pour ça que tu peux toujours chanter des chansons d'amour. Ouais. Parce que les femmes sont belles, hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Et l'aventure est au coin de la rue, quoi. Et oui. Donc ça reste... Et puis c'est toujours la même chose, mais jamais pareil, tu vois. Donc il y a toujours un... Je sais pas, j'ai pas l'impression de raconter. Enfin, je me fais pas chier, moi, raconter. J'ai pas de me dire, oh, t'as déjà raconté ça 50 fois. C'est toujours sous un angle un petit peu différent. C'est ça, exactement. Enfin, je sais pas, hein, j'espère. Non, mais on le remarque assez facilement. De chaque album, on peut tirer, bien sûr, les grandes lignes les grands thèmes qui sont l'amour et tout ça. Mais c'est toujours raconté d'une manière différente. Et la musique aussi qui change beaucoup. Ah ouais. Donc, la musique, c'est magique. Ben oui. Est-ce que c'est les mots qui amènent la musique ou la musique qui amène les mots? Alors moi, c'est c'est, un, c'est une explosion. En même temps, c'est tout en même, c'est souvent en même temps quoi. C'est un flash. Disons que je suis tout le temps à la recherche. Je suis tout le temps en train d'écrire. Je suis tout le temps en train de chercher un truc. Mais la mélodie, c'est quelque chose de très important pour moi, les mélodies. Bah oui. Et quand je fais le lien entre une phrase et une mélodie, en général, je fonce sur la chanson. Mais par exemple, j'ai plein de phrases dans le vide, dans ma tête ou dans mes petits carnets, qui ne me servent à rien parce que je n'ai pas trouvé le phrasé. Phrasé, c'est très important. Oui. Hein, tu peux dire... T'as une infinie possibilité de phraser les choses, tu vois. Tu peux dire je t'aime, tu peux dire je t'aime, je t'aime. Bah, bref, je déconne un peu, non, mais non, non, non, le phrasé, c'est, ça te permet de définir ta mélodie. Et à force d'être tout le temps comme ça, en perpétuelle recherche d'un équilibre, des fois, pouf, tu tombes dessus et là. Et là, faut y aller, là, faut pas perdre de temps. Enfin, au revoir, tu vas au piano et tu. Quand t'as le... tu vois, quand tu vois que les mots, ils vont avec la mélodie, quoi. Mais toi, ta force, là, Camille, c'est vraiment la ritournelle, parce que tes chansons, une fois que c'est terminé, elles nous restent en tête. Hein? On la fredonne en marchant dans la rue. Il y a des chansons comme ça qui nous tiennent. Mais comment tu fais pour trouver des ritournelles aussi accrocheuses? Je sais pas. Parce que j'aime ça. Les mélodies, j'aime beaucoup les mélodies. Oui, ben ça s'écoute aussi facilement. J'aime la mélodie. T'es un gars accessible. Hein? Tu es un garçon accessible, ouais, au niveau de la mélodie. Cool. Ouais, ben c'est une volonté aussi un peu. J'aime pas les choses sacralisées ou. Ouais, surtout pas. Alors là, vraiment. Il faut joindre le plus en mode possible. C'est un truc que je. Pour moi, c'est pas. Je suis pas un, comment dire, tu sais, tenant. Un gardien du temple, j'ai horreur des gens qui sont puristes, qui disent non, le reggae doit être comme ça, le rock comme ça, la France est comme ça. La musique, c'est tout sauf ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une grande liberté et les mélodies, c'est ce qui me fait rêver, quoi. C'est ce qui me reste. Et toi, lorsque tu crées, est-ce que tu rentres dans ce rêve-là pour pouvoir le communiquer plus tard à travers tes chansons? Il faut que tu rêves, il faut vraiment que tu rentres dans une certaine transe parce qu'on te voit chanter. Moi, je t'ai vu à quelques reprises et vraiment, il y a la transe avec la guitare et le gars qui croit en ses mots et qui rentre dans quelque chose là, d'assez évocateur parce que on voit que tu es plus branché à la réalité. Bien sûr, ouais. La transe, elle est quand je la compose, la chanson. Ouais. La vraie transe. Si transe il y a, c'est ce moment-là qui est vraiment fou, quoi. C'est-à-dire quand tu transformes un truc que tu as dans la tête, qui est donc invisible, qui est donc pas matériel. Et c'est quand tu transformes cette idée en machin qui devient une chanson. Et une chanson, c'est matériel, c'est un disque, c'est une partition, c'est des notes et des sortes de mathématiques, gnagnagna. Mais ce que je trouve vachement marrant et qui me surprendra toujours et qui m'amuse beaucoup, c'est que c'est d'une idée qui est donc de l'air, comme ça, pouf, à un moment tu te concentres et paf, ça devient un objet. Et c'est propre de l'art en général, hein. Une peinture c'est pareil, le mec il a une idée, je sais pas quoi, ou un bouquin, à un moment, bah, je sais pas, par quel... beaucoup de concentration quand même, hein, mine de rien, on est concentré, on a l'air, on rêve, mais quand... Tout, c'est du sérieux, mais c'est quand quand faut transformer l'idée en objet, on se met tous à travailler beaucoup, et donc être au piano, à chercher le machin, ou devant sa toile à peindre, et je trouve ça assez mignon, quoi. C'est bizarre comme métier, quoi. Est-ce que ça te surprend quelquefois les titres que tu peux sortir? Est-ce que ça t'arrive de te dire, hey, c'est moi qui ai écrit ça? Comment j'ai pu faire pour puiser ça aussi? Parfois, longtemps après. Ouais, ouais. Avec le recul. Ouais. Quand je retombe sur une de mes chansons par hasard, ou que j'en entends une à la radio en buvant un coup, des fois, même, j'ai dit, tiens, c'est pas mal, c'est quoi ce truc? Et après, et là, t'apprends que c'est toi, parce que tu l'as oublié. Je m'approche, puis je me crois, ah ben, c'est moi, je deviens fou. Oui, oui, oui, c'est ça. Et ça m'est arrivé deux, trois fois, mais... Mais bon, ce que j'aime, c'est les faire. Mm-hmm. Une fois que c'est fini, l'album, j'écoute plus, moi. Ok. Je le joue, peut-être, s'il y a des concerts, je le joue. Mais j'écoute pas mes chansons jamais. Est-ce qu'il y a des chansons que tu reprends encore depuis ton premier album? Bien sûr. Beaucoup. Bien sûr. Tu les modifies? Ah bah ouais, à chaque tournée, ça se modifie. Soit pour la rendre plus reggae, plus soul, plus... Voilà, ouais. Alors ouais. Tu la manipules, tu la... C'est jamais pareil. De toute façon, les concerts, moi je fais pas des shows à l'américaine, à Las Vegas, tu vois. Moi, je laisse toujours, dans quelles que soient les époques, quelles que soient mes aventures, j'ai toujours laissé une grande, comment dire, une grande place à l'improvisation, une grande place au bordel. C'est qui le chef de notre gang? C'est qui le boss du bordel? C'est qui le boss du cartel? C'est toi mon amour, c'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi et c'est tout. C'est qui le gérant qui déboîte? C'est qui le king du salon? C'est qui le king de la maison? C'est toi mon amour, c'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi et c'est tout. C'est qui le man qui a le beau rôle? C'est qui le patron sur le ring? C'est qui le patron qui déglingue? C'est toi mon amour, c'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi et c'est tout. Oh, c'est toi mon amour, c'est toi comme toujours. C'est toi mon amour, c'est toi et c'est tout. C'est toi comme toujours. C'est toi et c'est tout. C'est toi comme toujours. Ah, c'est toi et c'est tout. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi, comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras? Qui a dit que l'amour était un jeu à deux? Si ton homme est jaloux, qu'il évolue un peu. Je ne brise pas les ménages, j'électrise les méninges. Chercher l'état sauvage ne serait pas si dingue. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi, comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras? Tu aimes l'amour, l'amour n'a pas de loi. Les jours sont à lui, les nuits sont à moi. Peut-être pas encore prête, je n'ai rien demandé que le feu de la fête. Es-tu si heureuse que tu veux le faire croire? Je t'ai connue fiévreuse, tu n'as plus peur du noir. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer et ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment maintenir quand tu es dans ses bras. Tu aimes l'amour, l'amour n'a pas de loi. Les jours sont à lui, les nuits sont à moi. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi. Comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Comment t'oublier, comment t'effacer, comment te maudire, et comment me tenir quand tu es dans ses bras. Tout peut arriver, hein. Ouais, j'aime beaucoup le bordel, au sens noble, tu vois, un peu prendre des risques, sinon c'est chiant. Mais il faut pas, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est chiant. Pour toi, parce qu'une tournée, hein, tu en fais peut-être une centaine, donc ouais. Faut... Si moi je m'amuse pas, alors les gens vont pas s'amuser. Exactement. Je pourrais faire mes chansons comme ça, avec une main derrière le dos, ouais. 1, 2, 3, 4, au revoir, merci, on recommence, et j'en suis incapable, c'est pas ma nature. Mais pour faire ça sur scène, il faut vraiment que tu sois entouré de musiciens chevronnés, parce que pour improviser, puis réembarquer sur ta chanson, après avoir parti en vrille, il faut vraiment que les musiciens, avec le regard ou un petit coup de guitare, puissent te reprendre et... Bien sûr. Je me repose beaucoup sur... J'ai toujours eu des musiciens que je trouve... que j'ai toujours beaucoup aimé. Hein. J'ai eu différents groupes, différentes aventures, mais... Edin, on est tous restés amis. Au fur et à mesure, même si on ne joue plus forcément nos tournées ensemble, on a vécu des choses fortes, on a bien rigolé, Ça a connecté pour toujours, tu vois. Et là, mon nouveau groupe, c'est un nouveau groupe, là, sur cette tournée, c'est un nouveau groupe. Parce que tu voulais te renouveler aussi, là. Ouais, puis c'est l'aventure, je te dis, cet album qui a fait que le mec avec qui je l'ai composé, c'est aussi un super musicien de scène, qui est multi-instrumentiste, un peu bassiste, guitariste, qui chante super bien, il fait des super chœurs. Et on a un batteur incroyable. Que j'ai rencontré dans mes aventures aussi, tu vois, de musique. J'ai jamais fait de casting, moi. Je fais pas des castings. Je suis passé ailleurs, quoi. Je fais pas de... Je fais pas un appel d'offres, basse, cherche batteur, ou je sais pas quoi. Je suis tout le temps dans la musique, je rencontre tout le temps des musiciens. C'est le bouche à oreille, c'est aussi d'aller voir des spectacles. Genre lui, ouais, puis on se rencontre, puis on joue des fois, on fait des jams, ou on se rencontre des fois. Je fais aussi beaucoup de projets autres que mes petites chansons. Donc des fois, tu croises des icos sur d'autres projets, et puis voilà, tu dis tiens, toi, ça pourrait être bien cool, enfin, ou je sais pas quoi. Tu vois, à un moment, on s'appelle, tu dis ah, qu'est-ce que tu fais? Ben rien, ben viens, voilà. Qu'est-ce qui t'a déclenché, qu'est-ce qui t'a amené à faire cet album-là? Une urgence, un besoin de dire? Parce que tu étais en plein travail cinématographique, donc tu travaillais sur la bande sonore. Puis là, en même temps, tu chevauchais l'album solo et puis le film. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre le micro pour chanter ou même le crayon pour écrire? Mais c'est ma nature. J'ai une horloge interne musicale qui... Je me sens mal, quoi. Si à un moment j'arrive pas à verbaliser tel ou tel truc, je bloque dans ma tête. Donc c'est vraiment un besoin physique, quoi. À un moment, faut qu'il y ait des chansons qui sortent. Peu importe. C'est pas forcément pour faire un album, tu vois. C'est pas clair comme ça, mais il faut que je les écrive, faut que je trouve. Voilà. C'est aussi le travail du solitaire. Je chante beaucoup la solitude. Ouais, effectivement. C'est des thèmes, amour, solitude, là, c'est quand même des thèmes qui reviennent souvent, assez résurgents dans tes 9 disques. Mais C'est le plaisir aussi d'aller vers le public. Une fois que la pastille est prête, est lancée, c'est de t'en aller sur les routes de Paris, de France. Et... J'adore. C'est, pourtant, ça fait 25 ans au moins que je parcours les routes, mais pour moi, c'est à chaque fois comme une première fois. Quoi. Je flippe, j'ai peur, j'ai le trac. Toi, t'es un traqueur. Oh là là, c'est une maladie. Pourtant, j'en ai fait je sais pas combien, tu vois. Je sais qu'on n'en meurt pas. Mais j'ai toujours la trouille, ouais. Parce que ce que je chante, c'est des choses intimes. Ouais, alors tu te dévoiles, tu te mets à nu, donc c'est ça. Ouais, donc il y a ce truc-là qui est toujours un peu bizarre. Ouais. Voilà, disons que c'est mon acte de courage. C'est le monter sur scène. Il y a des gens, ils sautent en parachute. Ouais, un bon jeu. Ils font des sauts à l'élastique. Bon, bah, moi, c'est de monter sur scène et de raconter ma vie quelque part. Mais c'est certain qu'en 26 ans de carrière, il y a comme un noyau dur. Il y a un public qui te suit et qui t'attend. Et, ouais. Ça fait cool. Encore plaisir. C'est génial. C'est super. J'ai pas fait de gros hits. Mais ça reste en tête, comme mais je te dis, mais suffisamment pour continuer à exister, quoi. Et ne pas être oublié, c'est ça aussi qui est important. Bah ouais. Mais pour pas être oublié, faut travailler aussi. Ouais. C'est du travail, hein. C'est peut-être pas très sexy. Hein. Mais... C'est du temps, de la concentration et un certain travail. Hein. C'est vrai. Mais trouves-tu qu'avec les années, la complexité, c'est quand tu sors un disque, c'est de trouver les enchaînements sur l'album? À quel endroit je vais placer celle-là, à quel endroit je vais placer l'autre? Bon, ça a toujours été un délire, ça. C'est compliqué. Pas compliqué, moins compliqué que de les écrire, mais... Mais que c'est vrai que... par exemple, sur celui-là, il était très important, l'ordre, sur le dernier album. Ouais. Parce que, on sent aussi la suite. Hein, que... Je sais pas pourquoi, il y avait... tout pouvait pas se mettre dans le même sens. Il y a deux, trois chansons très différentes des autres. Une qui s'appelle Wow, une qui s'appelle Ivresse. Je sais plus quoi, ouais, mais c'est vrai qu'un ordre, c'est hyper important, l'ordre d'un album, bien évidemment. Alors, est-ce que tu te prends la tête quand vient le moment de placer ça sur la pastille ou... Non, mais oui, je me prends la tête, oui. Mais est-ce que c'est juste toi qui choisis ou si tu laisses une petite équipe là, travailler avec toi pour pouvoir te diriger Bien évidemment que les gens avec qui j'ai fait l'album, Chet et Feed, on a chacun fait un petit ordre dans notre coin. Okay. Puis après, on a comparé essaie de valider nos idées. Et une fois que tout le monde était d'accord, on l'a fait, quoi. Bien sûr, je fais pas tout seul dans mon coin non plus. Puis en même temps, ce qui est plaisant chez toi, c'est que tu te fous éperdument du goût du jour. Hein? Le rythme du jour ou la musique qui est celle qu'on entend régulièrement dans les radios, tu fais vraiment tout ton propre style. Ouais, mais... Ouais. Ah oui. Pourtant, il y a le son basse-basse. Pourtant, hein? Tu vois, j'aime beaucoup... j'aime tellement de musiques différentes, j'aime plein de trucs d'électro aussi, tu vois. Ouais. J'ai pas... Même si j'aime aussi... J'ai une fondation un peu 60s. Mmh, oui. Parce que je fais de l'orgue, parce que je fais du Fender Rhodes, que j'aime bien ces vieux instruments, mais en même temps, j'ai toujours adoré... me confronter... mon vieux savoir-faire de bluesman quelque part, les racines. DJ, aux mecs moi j'ai commencé la musique avec un doigt, hein. Après voilà, je suis arrivé à étaler mes deux mains, mais j'adore après aller avec ceux qui jouent avec un doigt et puis voir qu'est-ce qu'on peut foutre, ça m'intéresse vachement, quoi. J'aime bien, dans cet album, ça effleure quelques univers électroniques, tu vois. Parce que je suis pas raciste, parce que je suis curieux, parce que c'est ça qui a de marrant. Et un jour, tu vois, j'avais vu une interview du chanteur Christophe, tu vois, Christophe. Et il avait dit un truc, ça m'avait vachement... Je dis, putain, c'est pas con ce qu'il vient de dire. Et on lui disait, oui, parce que lui, il paraît qu'il passe des années à faire des disques, c'est très compliqué, ou ça l'était, enfin, je sais pas, il avait une sorte de légende. Qu'il était très pointilleux sur le son. Il vient de sortir un disque. Ouais, j'ai pas fait gaffe. En même temps que toi. Et alors, il disait ce truc génial. Il dit, mais tu sais ce que c'est le bon son, il disait. Bah, le bon son, c'est le son de maintenant. Voilà. Ah ouais, pas fou. Bah moi je trouve ça cool. Ouais. Puisque tu fais ce métier de toute façon pour communiquer avec les gens. Et les gens, ils n'ont pas que ça à foutre d'être puristes, d'aller chercher tu vois, un vieux disque de Billie Holiday ou un machin ou un truc. Ça, c'est mon métier, c'est pas le leur. Les gens, ils font leur métier, ils doivent allumer leur radio et pouvoir faire l'amour, baiser sur ta musique, faire le ménage, faire autre chose, un puzzle, peu importe. Mais il faut que ce soit comme du soleil ou un orage, peu importe, mais de la nature qui rentre, faut que ce soit facile et cool. C'est à moi de rendre cool tout ça, c'est à moi de mon travail, de prendre ce qu'il y a de bien dans les 60s ou dans les années 20 ou dans n'importe quoi, et puis d'en faire ma petite sauce, mais de faire quelque chose d'écoutable pour les gens qui ne disent pas, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il a foutu par là ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Moi, je sais pas, moi, j'ai pas envie de faire des prises d'otages. D'essayer de faire quelque chose qui a l'air cool. Ouais, mais ça l'est aussi. Tu vois, voilà. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. J'ai tout fait trop vite, pas peur d'étouffer. J'ai tout pris tout de suite, par peur de manquer. Des écarts de conduite, des abus, des excès. Des courses poursuites, par peur de trouver. Une seule devise, nos limites. Une seule église, nos limites. Une seule maîtrise, nos limites. Une entreprise, nos limites. On peut le dire aussi, c'est quand on écoute ton premier album jusqu'à aujourd'hui, tu as trouvé vraiment la façon de chanter. Tu sais, ta voix est posée. Enfin. Enfin, oui, mais... Enfin, j'ai mis du temps. J'ai mis deux albums à arriver à la poser ma voix. Mais là, maintenant, il y a comme un son basse-basse. Hein? On écoute à la... OK, c'est lui parce que tu as une voix tout à fait particulière. J'ai appris à composer par rapport à ma voix, en fait. J'ai trouvé ma tessiture, on dit, en musique, ouais, tu vois. Au début, j'ai écrit des chansons un peu comme un musicien. Il y avait une chouette mélodie, et j'essayais de la chanter. Mais du coup, je me rendais pas compte que j'étais pas capable de la faire. Tu la rendais pas bien. Et qu'il fallait juste changer les tonalités, tout simplement. Ouais. Mais des fois, c'est compliqué. Mais j'ai mis du temps à faire bien gaffe à ça, ouais. Parce que t'as une voix bluesée quand même, faut pas se le cacher. T'as une voix qui chante les mots, qui vraiment, qui, qui se laissent glisser sur les mots. On sent ce glissement-là. La voix glisse sur le... J'aime beaucoup le blues, de toute façon. Mm-hmm. Ah, mais ça s'entend. J'aime beaucoup le blues, le rythme and blues. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, j'ai la voix de ma vie aussi. Ouais. Tu ouais. vois, je fume, je bois, je déconne, je rigole, je pleure. Alors la voix est un... Elle doit être un peu comme tu es. Elle représente un peu ce que tu es, effectivement. Si ouais. Tu donc comme un peu... Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas cette attitude comme ça. J'ai pas 2000 personnages, tu non, vois. Non. C'est mon nom de famille, d'ailleurs, Bas-Bas, c'est mon vrai véritable... nom. Ouais. C'est même pas un pseudo. Ça pourrait l'être, mais ça n'est pas un. Et, non, alors c'est déjà un nom qui chante. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça fait un... Tous mes potes, ils ont du mal à croire que c'est pas... Ils ont toujours eu du mal à croire que c'était mon vrai nom, quoi. Donc, c'était pas compliqué, t'es né avec un nom artistique, donc t'as suivi ton nom et ton prénom. Ouais, j'ai pas lutté, en tout cas, lutté. Qu'est-ce que tu voulais faire étant jeune? Est-ce que t'avais toujours cette idée-là de faire de la chanson, de la musique, ou... Je savais ce que je voulais pas. Ah, ça, c'est déjà beaucoup. Je savais pas ce que je voulais exactement, mais je sais que je voulais de l'aventure. Ok. Que je voulais être libre. Que je voulais pas avoir de patron. Bon, déjà, tu vois. C'est quand même beaucoup. Déjà tout ça. Et que j'avais envie de m'amuser et de rencontrer plein de gens. Voilà. Et s'accomplir. Bah, en tout cas, ouais, voilà. Ouais. et après, par la suite, tu t'es rendu compte que tu avais quand même, comme je le disais en début d'émission, tu vois, un travail de troubadour, donc tu peux t'en aller avec ta guitare. Je pense que tu as, si je me rappelle bien, tu as un de tes disques, on te voit avec une guitare, hein, tu marches sur un... Est-ce que j'ai rêvé ou c'est une photo aussi qu'on a pris peut-être, on a prise parce qu'on te voit à un moment donné avec une guitare et tu marches. Ouais, ça devait être pour frimer peut-être. Ouais, peut-être. Et je trouve que ça te représente tellement bien. Mais je suis pianiste. Ouais. Je suis pianiste. Ouais. Je rêverais de savoir jouer de la... J'ai composé 2-3 chansons à la guitare, mais je sais écrire une chanson avec une guitare vaguement comme ça, mais je sais pas en jouer vraiment. Mais toi, ton instrument de prédilection, c'est le piano, c'est ouais, l'or. Ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Qui est donc chiant à transporter sur son épaule, à moins d'être Schwarzenegger, et ouais, encore. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que tu prends un piano électrique ou si tu tiens comme Richard Desjardins, tu utilises un piano à queue et... Non, moi c'est Fender Rhodes, ouais. C'est piano électrique. Et puis un petit Torque 60s, genre Farfisa, tu vois. Mon vieux matos, quoi. Non, c'est ouais. Le matos que j'ai depuis même mon premier groupe, mon premier groupe qui s'appelle Cri de la Mouche quand j'avais ouais. 20 ans. Ouais. J'ai le même matos. Mais les ordinateurs et tout le reste de la technologie est entré dans le décor. Est entré dans le décor, et ce qui est super cool. Mais si tu veux, sur scène en particulier, j'arrive pas à m'exprimer avec d'autres instruments que ces vieilleries, quoi. En studio, j'adore chercher des sons de synthé, déconner avec les sons. Mais sur scène, je m'emmerde. Il me faut du lourd, il me faut ouais, du dur, ouais, ouais. Il me faut du solide. Il faut que ça sonne. Il faut que c'est un truc qui soit ça hyper sonne. Réactif, que ouais. je l'attaque ou que je l'attaque comme ci ou comme ça. Il faut qu'il ait, qu'il puisse répondre. Les synthés, c'est un peu froid, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu flash. Et si tu veux improviser, tu peux pas avec le synthé. Si, tu peux improviser, ouais, mais surtout quand tu as des ritournelles, des boîtes à rythme, là, tu peux pas vraiment jouer avec ça. Tu vois, qu'avec au piano. Ouais, ou même je pourrais prendre les Norlead qui imitent le piano électrique okay. ou qui imitent l'orgue. C'est pas. C'est pas le même délire, c'est en plastoc, ouais. je sais pas. J'ai 10 questions parce que je sais que tu es pressé. Ouais, c'est gentil. Puis, on va peut-être résumer ça en 10 minutes. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Ce serait une rivière. Une rivière en particulier ou n'importe quelle rivière? Je serais une rivière avec des poissons. Ah oh, ouais! Si tu étais une ville. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville, je serais Paris. Hein. Un arrondissement plus en particulier ou. Ouais. Ici, j'aime bien. Je suis plutôt au 19e, 20e arrondissement. Okay. Belleville, Ménilmontant. Ouais, ouais, ouais. Aussi le cimetière du Père-Lachaise dans le 20e. Voilà, entre autres. Bon, il y a des trucs plus sexy à faire. Ouais, ouais, ouais, ça m'a toujours fait marrer, cette fascination pour le Père-Lachaise. Ouais. Il y a des mamans, elles promènent leurs enfants au Père-Lachaise parce qu'il y a des arbres. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, mais quand même, il n'y a pas un endroit plus rigolo où aller se balader. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Hein. Le jardin du Luxembourg, c'est tellement beau. Voilà, ou les buts de Chaumont. Ouais, ben oui, c'était une langue. C'était une langue. Je serais une langue de fille. Oh yeah. Une langue que tu connais pas. Voilà. Si tu étais un mot. Si c'était un mot, je serais liberté. En majuscule et... Ah ouais, avec même un Z. Ah mais Z? Ok. Non mais vraiment, oui. La liberté, c'est vraiment... Liberté chérie. Ouais, c'est un de mes mots préférés. Bordel aussi. Bordel, liberté, ouais. Et bordel, c'est des mots que j'aime beaucoup. Parce que bordel, je trouve que ça fait... C'est moins sérieux qu'anarchie, tu vois. Oui, c'est vrai. J'aime bien l'idée un peu de bordel. L'humanité, c'est un bordel. Hein, ouais. Si, c'est pas. On des essaie... spectacles aussi, souvent, c'est un bordel. Bah ouais, mais moi, c'est ce que je trouve qui est. Un bordel contrôlé quand même. On est un bordel. Ouais, ouais. On vient du bordel. Ouais, ouais. Pas. Puis Pigalle, ben, il y a des bordels. Exactement. Dans tous les sens du terme aussi, bordel, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Si tu étais un aliment. C'était un aliment. Je serais un artichaut parce que comme ça s'épluche. Oui. Il ne jamais mangé le cœur. Voilà. Parce que ça fait mal. Si tu étais une saison. C'était une saison. Je serais le printemps. Ouais. Inspirant. Ça m'inspire pas plus qu'autre chose, mais j'aimerais bien être un printemps parce que. Je sais pas, parce que c'est. Est-ce que c'est ton côté adolescent, ouais, le printemps? Certainement, exactement. Certainement. Si tu étais un membre corporel. Si j'étais un membre corporel, je serais les oreilles. Je me rappelle du monsieur avec. Attentif. Si, si, ah, si, je me rappelle. La musique, quoi, la musique. Si tu étais un moment de la journée. C'était un moment de sa journée. Bah, je serai à peu près cette heure-ci. Là, j'aime bien cette heure. Quand, ah ouais, les gars, si, je me rappelle très bien de vous. Vous avez vu 4 points, tu vois, qui est parti. La fin de la journée et la nuit qui arrive. Quoi, la voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Là. Oh, les gars, désolé. Hein. Moi, je n'étais pas là. Si tu étais un autre individu. Ah, lui, c'est sûr. Si j'étais un autre individu. Oui, il y a un dernier qui est resté à la fin. Il a connu son leader. C'est ça, un beau pote. Non, mais mec, j'habite là. C'était vous, je crois. J'habite à 3 mètres. Moi, j'habite là, moi. J'ai rien. Ah, vas-y, arrête de je serais une fille. Encore, ouais, une langue de fille, une fille, c'est bien. Je serais une fille pour voir ce que ça fait. Ouais, ben oui, ben vérifier. D'avoir ce trucs. Pouvoir d'être une belle femme. Vérifier des trucs. Ça m'intéresserait, ouais. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ah. Des coups d'œil, des coups de mou. soir, pleine d'espoir, des trottoirs, des histoires, des bonnies, de la bande à Bono. Des histoires insensées, des histoires incendiées, des histoires insoumises, des histoires, des histoires de tropiques dans la neige, des histoires de tropiques dans la neige, des histoires de tropiques dans la neige, des histoires de tropiques dans la neige. De chance, qu'elle soit longiligne ou dans tous les sens. La vie est une piste de danse. Nous sommes tous des artistes avec plus ou moins d'élégance. La vie est un fleuve qui nous porte, nous balance, qui demande des preuves, à moins que délivrance. La vie est une mangrove où les fruits sont intenses, où ses feuilles nous lovent et ses tambours nous dansent. La vie c'est surtout tes yeux dans les miens. La vie c'est surtout ta main dans ma main. La vie c'est surtout ton rire si joli. La vie c'est surtout ton corps, ton esprit. Ma chérie, oh ma chérie. De soleil qui brûle ou qui brille, qui nous éveille. La vie est une ville faite d'arbres, faite d'ailes. Les enfants jouent et crient aux oreilles d'âmes sans oreiller. La vie c'est surtout tes yeux dans les miens. La vie c'est surtout ta main dans ma main. La vie c'est surtout ton rire si joli. La vie c'est surtout ton corps, ton esprit. Ma chérie, oh ma chérie. Du coup j'adore la vie vaut le coup. Du coup j'adore la vie, pendu à ton cou. Du coup j'adore la vie, malgré tous ses coups. Pas un amour transi, juste un amour fou. Ma chérie, oh ma chérie. Car la vie avant tout c'est tes yeux dans les miens. Oui la vie avant tout c'est ta main dans ma main. La vie c'est surtout ton rire si joli. La vie c'est surtout ton corps, ton esprit. Car la vie avant tout c'est tes yeux dans les miens. Oui la vie avant tout c'est ta main dans ma main. La vie c'est surtout ton rire si joli. La vie c'est surtout ton corps, ton esprit. Ma chérie, oh ma chérie. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ouais, 100 fois. 100 fois, bien sûr. Parce que aussi, fondamentalement, c'est ce qui t'a tracé ce chemin-là. C'est pour ça que t'es rendu à ton 9e album et que t'as eu un groupe et que ouais, t'as bourlingué. J'ai eu plein de doutes, hein. Plein de doutes. Des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Je sais rien faire d'autre, moi. Je ne sais pas réparer une voiture. Je suis nul en maçonnerie. Je ne suis pas très doué de mes mains. autre banque pour faire du piano, tu vois. Non, je suis trop content d'être tombé sur la musique. Vraiment, oui. J'ai beaucoup de chance. Avant de terminer, est-ce que tu as beaucoup de projets ou si tu es un créateur qui vit au jour le jour? Ah non, j'ai beaucoup de projets. Plein de projets. En l'occurrence, en ce moment, ce qui m'excite beaucoup, c'est que j'ai toute ma bande de vieux copains jamaïcains qui ont un projet en ce moment qui s'appelle Inadi Yard, que peut-être tu as vu des affiches passer, qui sont Winston Makanoff, Ken Booth. Des vieux routiers, là. Ouais, une sorte de fondation du reggae, tu vois. Ils ont l'âge qu'aurait Marley s'il n'était pas mort, quelque part. Donc c'est un peu, ils ont travaillé aussi avec Gainsbourg. Ils ont travaillé avec Gainsbourg, plus ou moins. Ils ont surtout été des contemporains de Marley. C'était des copains de Bob Marley. Donc c'est cette génération-là. Winston Makanoff, Kid Usai, Ken Booth, Cédric Mytone, tous ces mecs-là. Tous ces mecs-là, on se connaît depuis des années et des années, des quinzaines d'années. Et tu veux partir avec eux en tournée? Ou faire un disque? J'ai surtout déjà fait deux disques avec Winston, il y a une dizaine d'années. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, je suis en train de continuer à travailler avec eux. En l'occurrence, avec un autre de la bande qui s'appelle Kid Usai. Donc là, on est en train de finir un projet qu'on a commencé il y a 5 ans. Je suis trop content de faire ça. Et de pouvoir travailler avec des grands chanteurs comme ça. De la black music, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai une bonne fascination pour la musique noire américaine, ou noire tout court. Mais surtout, noire caribéenne ou noire américaine, plus qu'africaine. Je connais pas bien la musique africaine. Mais la musique des noirs américains m'a toujours fasciné, ouais. Et ce qui est dur surtout dans ces genres de groupes-là, c'est de se trouver un moment pour se retrouver tous, là, parce que chacun a ses... Pour eux, ça doit être un casse-tête. Donc justement, tu as bien raison, parce que je profite qu'ils sont en Europe en ce moment, qu'ils ont du succès, qu'ils ont un film qui sort la semaine prochaine. Un film sur eux, un documentaire qui sort dans les salles. Et que je suis hyper content que je profite qu'ils sont dans le coin pour les enregistrer, pour faire des chansons dans mon petit studio dans le 20e. Et on s'éclate, quoi. Et je suis en train de faire ça en ce moment, là, voilà. Je profite de mes vieux potes jamaïcains. Et ce qu'il y a de marrant avec eux, c'est que on s'en fout de faire du reggae, en fait. On fait de la musique. On fait de la musique, tu vois. On se met pas de barrière. Eux, tu vois, Winston Makanoff, c'est pour ça qu'on est devenus potes il y a 15 ans, parce qu'il m'avait dit ce truc génial. Il m'a dit, mais j'en ai rien à foutre du reggae. J'ai pas besoin. Il m'a pas dit ça, il m'a dit, mais j'ai pas besoin de toi pour faire du reggae. Parce que je l'avais rencontré, j'étais fasciné par le reggae comme plein de gens, donc je rencontre un chanteur jamaïcain, donc je prépare dans mon coin une petite musique reggae, tu vois. Il écoute et il me fait comprendre que mais lui, il n'a pas besoin de ça, de moi. Il voulait écouter d'autres choses de moi, mes chansons love, mes chansons pop, romantiques, soul, n'importe quoi, tu vois. Ça l'a intéressé de faire du reggae. Il m'a dit de faire du reggae avec toi, Camille. J'ai mes potes en Jamaïque, on l'a inventé, la formule. J'ai plutôt de voir tes épices de petits français, voir qu'est-ce que c'est ton bordel. Je trouvais ça trop cool, tu vois. Je trouve ça très sain. Je trouve ça très sain. Tu vas pas en Bretagne leur apprendre à faire des crêpes. Tu vois, je sais pas quoi. Donc, j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, on est tellement libre. Ça a désarçonné un peu des gens du métier d'ailleurs. Mais nous, pas nous, quoi. Nous, on sait que. C'est pas parce qu'il n'y a pas la même guitare que dans le reggae que c'est pas du reggae, enfin ça c'est de la musique. Alors c'est un cadeau que tu t'offres de travailler avec eux. Bah, grave, on s'éclate. On s'éclate. Et tu vas en profiter pour peut-être enregistrer quelques trucs et éventuellement faire quelque chose avec ça. Ah, mais surtout. Surtout. Je suis pas du genre à faire trop des jams ou. J'aime bien construire, quoi. J'aime bien faire des cabanes, moi. J'aime bien construire une cabane avec les copains. Après, une fois qu'elle est construite, peu importe, tu vois, mais j'aime bien la construire. Donc, on n'enregistre pas des chansons juste pour enregistrer des chansons. On enregistre des chansons en rêvant. On n'a pas encore le deal, hein. On n'a pas encore signé de contrat. Mais on se dit qu'on fait ça pour qu'à un moment ils arrivent chez les autres, chez toi, que toi tu puisses les écouter, ou les gens qui puissent écouter notre musique et que ça leur plaise ou pas. Mais le but, c'est pas de rester dans sa cave tout seul comme un con, à se faire plaisir comme une branlette, tu vois, on n'est pas là pour se branler. On a passé l'âge, moi et mes potes, donc ouais, on rêve qu'on fait nos chansons, puis qu'on va trouver un label, et... C'est un peu... etc. Ça risque d'être vendable assez facilement, parce que les musiciens sont quand même reconnus mondialement. Ben, écoute, j'espère. J'espère, moi j'y crois très fort. Mais c'est bien parce que malgré tes 26 années de service pour la musique, tu restes encore avec cette flamme-là et des projets extraordinaires. T'as pas été aigri par le métier. Ah non, je suis pas blasé, non. Ouais. Je pense que... Mais je pense que je suis pas prêt de... Tout m'intéresse en musique. Plein de musique m'intéresse. Je vais pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui est dommage. Hein? Par exemple, j'aimerais bien connaître mieux la musique classique, moi. Ouais. Je suis autodidacte, donc je sais pas lire, je sais pas écrire, donc je suis pas passé par les Chopin, les machins. Mais des fois, je me dis, waouh, quand même. Il y a quelque chose. Si je pouvais en avoir ça, peut-être ça pourrait me donner plein d'idées. Éventuellement, ouais. Si je pouvais mélanger Tchaïkovski et Bob Marley, ce serait la grande classe. Effectivement, mais ça serait des assises assez fortes. Ça serait un joyeux bordel. Ça serait un gros challenge bordélique à souhait, ouais. Eh bien, Camille, je vais te laisser parce que je sais que t'es très pressé. Merci d'avoir passé à mon émission comme ça, un peu comme un papillon de nuit. Eh ben. C'est super cool tout ça. Et tu vas faire quoi toutes de ces interviews? Je suis ça, c'est KRL, qui est la première radio communautaire francophone. Mais avant, je vais te dire au revoir. Oui. Et comme je dis souvent, à la revoyure. À la revoyure, merci cher pour ta générosité, tu es vraiment sympathique. Merci à toi. Il y a encore l'effervescence dans le regard, c'est merveilleux. Merci à toi de t'intéresser au troubadour. Ben, il en faut des troubadours hein, pour me faire rêver, parce que le type qui fait du 9 à 5, du lundi au vendredi, a besoin de cet air frais-là de musique que tu nous offres. Donc, comme je te dis, toi, ta force, c'est la ritournelle. Ouais. Tu nous gardes ça dans la mémoire, puis dans les moments difficiles, ben, ça nous revient, donc ça nous aide à vivre plus heureux. Ben oui, je suis ton frère. Eh ben oui. Tu veux que je te dise. Eh ben ouais. Merci, merci. J'suis dans elle, t'es dans lui. Ça m'ennuie, ça m'interpelle. J'suis dans elle, t'es dans lui. En dentelle, en dents de scie. J'suis dans elle, t'es dans lui. Et lui c'est qui? C'est nous, c'est qu'elle. Ça me noue, me rend fou. Je voulais toi, sous le même toit. Je voulais toi, sous le même toit. Je suis dans elle, t'es dans lui. En porte-jartelle, safari. Je suis dans elle, t'es dans lui. Ça me gèle, me brûle les ailes. J'suis dans elle, t'es dans lui. Saint pointu, tour Eiffel. Ça me noue, me rend fou. J'voulais toi, sous le même toit. J'voulais toi. Toi.